Salut, salut, salut. Comme tous les dimanches, Lost in Space, votre rendez-vous rock, punk, musique expérimentale attaque à 21h tapante. Aujourd'hui, on revient sur un groupe dont on a déjà parlé en début d'année. Bah, c'est tout simplement Fugazi, parce que tout simplement, c'est un groupe que j'adore. Pour mémoire, pour ceux qui n'avaient pas suivi les premiers épisodes, Fugazi, fin des années 80, enfin milieu des années 80, jusqu'en 2002, groupe qui a marqué toute une génération de punk rockers par leur musique qui était à la fois pleine d'énergie, mais aussi pleine de déstructuration. On peut dire en quelque sorte que ce sont les grands-parents de l'emo. Et en fait, on va écouter donc une sélection toute la soirée de groupes qui, de Fugazi déjà pas mal, et puis de groupes qui sont dans le même genre. Allez, c'est parti, go! See you.

Le nouveau soleil qui avait fait fondre la glace d'Europe n'était pas aussi puissant à cette distance, 400 000 km plus loin, mais il était assez chaud pour fournir un climat tempéré à la face perpétuellement tournée vers lui. 50 ans exactement séparaient le vieux Léonov Lourdeau de cet univers sophistiqué. Il ne pouvait réellement y croire, émotionnellement, mais il était impossible de discuter avec l'arithmétique. People worked the land and died in wars, and it was learning a game that was played by us all. Who held the top of the hill from the rest was called the king. And I never believed it all was good for humankind. Is it peace to point the guns? Is it war to fire the guns? We would run with all our might, push the king off to take the hill, and to learn who is king and who makes the better serve. I can't believe it all was good. Believing in, we are a part of a whole we call the earth. Le bruit courait que seules des pressions politiques avaient contraint le comité Nobel à négliger ses travaux sur la physique des particules, domaine où régnait un effroyable désordre après le grand ménage de la fin du XXe siècle. Amputations, splinter their wings, it has access now. song Jerry Lee Lewis wrote before he killed one of his wives. Come on. Très riche, très gai, cela se peut, pensais-je. Mais très jeune, cela ne se peut pas. Fire is my ocean, which is repetition. This is

Voilà pourquoi la presse parisienne, Mademoiselle Camaro, conclut en disant que l'institution des 14 heures par jour est de facto une discrimination envers les femmes. Mais le véritable souci, elle ne consiste dans le fait qu'on suppose automatiquement que toutes les femmes veulent devenir mères. Ça, c'est du sectarisme. Les mots que je lui ai donnés contiennent les phonèmes de base de l'anglais. Au bout d'une dizaine de répétitions, cela deviendra acceptable. Mais je n'ai pas l'équipement nécessaire pour une thérapie convenable. last one. We got some records and t-shirts for sale. Thanks again for everyone that's here. Next time we're here, we'll learn that. Ah! But because it's a record, it's slightly dulled, and obviously the intentions never come out quite as you want them and with the intensity that you'd like. But we're trying to put people in touch with something of their subconscious and show something of our subconscious in the raw state. That's why there's quite a lot of nonsense on the album, but we think it's valuable nonsense. I wouldn't gauge the world. Guess jealousy. Fumée peut-être, imagination d'un cerveau surchauffé et d'un œil affolé par les mirages. Un jour viendra sans doute où je relirai ces pages avec un sourire de pitié gênée, le sourire de l'homme de 50 ans qui relit de vieilles lettres. Anytime but now, anywhere but here. they say, anytime but now, anywhere but here, anyone but me. I've got to think about my own life. Anytime but now, anywhere but here, anyone but me. I've got to think about my own life. The world is not our facility. We have a responsibility. We'll be right back. Ainsi, ces élus de la nation, tous ou presque républicains bon teint, radicaux, socialistes, centristes, conservateurs, dans un pays où l'extrême droite est à peine représentée au Parlement, dans un pays où, depuis 1870, la République s'est installée solidement, consentent sans débat par 569 voix, avec l'opposition de 80 d'entre eux, dont 73 de gauche, à l'instauration d'une dictature exercée par un seul homme, Philippe Pétain. Le lendemain, celui qu'on appelle désormais le maréchal, 84 ans, se proclame chef de l'État français et instaure un régime tyrannique, sans même se donner la peine de rédiger une constitution, et encore moins de consulter la nation, ce qui en fera, selon les termes du général de Gaulle, 4 ans plus tard, un régime nul et non avenu. I like the purple one better. is called On Your Influence. Thank you. La fatale glissade a commencé à peine un mois plus tôt, le 16 juin, quand le président du Conseil, Paul Reynaud, estimant qu'il est minoritaire dans son propre gouvernement, démissionne pour laisser son poste à Philippe Pétain, qu'il a lui-même nommé ministre. Reynaud a dirigé l'effort de guerre, il est toujours décidé à combattre jusqu'au bout. Mais l'offensive des blindés de Rommel et Guderian a mystifié l'armée française, prise à revers alors qu'elle est entrée en Belgique pour aller au-devant de l'armée allemande. En un mois, malgré des combats violents et une résistance farouche, les troupes françaises encerclées se sont effondrées. L'armée belge a capitulé, les soldats britanniques se sont rembarqués à Dunkerque, les débris de l'armée française sont épars sur les routes du sud, mêlés aux réfugiés qui fuient en masse l'avance nazie. Un petit parti de la résistance, avec Reynaud, Mandeld, De Gaulle, Marin, veut passer en Algérie pour continuer le combat. Ils sont emportés par un vent de défaitisme attisé par Maxime Weygand, le très réactionnaire généralissime qui proclame que la guerre est perdue. Le 17 juin, Pétain, qui a remplacé Reynaud, annonce qu'il faut cesser le combat. Le 18 juin, De Gaulle est à Londres et lance un appel à la résistance que personne ou presque n'entend. Le 22 juin, le gouvernement signe à Rotonde un armistice qui acte la reddition. La France s'est occupée aux deux tiers, conservant seulement une zone non occupée dirigée par Pétain, qui garde une fragile souveraineté sous la surveillance de la Wehrmacht. Time bomb, and I only live in that one moment in which you die, and it's not right. It's not what I wanted then, but you know, and I know there's no going back. Governor Jerry Brown. IRS files and never frown. Soon I will be president. Out of power, I'll soon go away. I will be Führer one day. I will command all of you. Your kids will meditate. Your kids will meditate. California, Morales, California. Control you, 100% natural. You were drawn for the master race and always wear the happy face. It fills your eyes and happen here. A big blue on white horse is dear. The hippies won't come back, you say. Mellow out or you will pay. Mellow out or you will pay. California, over Alice. Dans ces circonstances tragiques, faute de passer à l'étranger comme l'ont fait d'autres gouvernements vaincus, on aurait pu se contenter de suspendre la Constitution et d'établir un régime provisoire chargé de ramener l'ordre et de négocier avec les Allemands. Mais dès l'armistice, un stratège manœuvre en coulisses avec une redoutable efficacité. C'est Pierre Laval, l'homme à la cravate blanche et au teint bistre, politicien madré, énergique dans la combine, rompu aux intrigues parlementaires, décidé à imposer un nouveau régime. The truth I see. sign. I learned to never waste that time. I taught to have an open. Why give me a heart when you won't let it be? Go! And I'm not afraid. No, I still got hope. But now you tell me priori, rien d'un fasciste. Laval est d'abord socialiste, avocat des pauvres, maire d'Aubervilliers, commune populaire, député constamment réélu, président du conseil entre 35 et 36, puis sénateur du Puy-de-Dôme. Homme de gauche, donc, à l'origine, protégé de Briand, son mentor, mais aussi pacifiste, comme lui, horrifié par la boucherie de 14-18. Il en est sûr, il vaut mieux s'arranger avec l'Allemagne plutôt que de risquer un nouveau conflit encore plus meurtrier. Never ask you, come in my room. Never ask you, play with my toy. Never ask you, mess in my private life. My shoe. Never ask you, come in my room. You weren't invited in. Never ask you, play with my toy. Never ask you, play with my private life. So don't never ask you. Take me to war. Keep your hands to yourself. I never asked you, go in my room. Upset everyone, and I'll try. Upset everyone, and I'll try. Give me back my feelings, or you give them back to me. Give me back my Il a aussi une revanche à prendre. Depuis sa chute de 1936, il est marginalisé au Parlement, tenu en lisière du pouvoir. Il remâche son amertume, sûr que sa politique étrangère était la seule possible. La défaite est pour lui le moyen d'une victoire toute personnelle. À Bordeaux, où le gouvernement est replié, il pousse Pétain au pouvoir et commence sa campagne, cornaquant le vieux maréchal qui découvre, dans l'extrême hiver de son âge, Dixit de Gaulle, que sa soif de pouvoir, toute secrète, peut enfin se réaliser. Le raisonnement de Laval est simple, parfaitement symétrique du refus gaullien. La République a failli, elle a entraîné le pays dans une guerre perdue d'avance, subi la défaite, laissé la France à la merci de l'envahisseur. Elle doit céder la place. Une Europe nouvelle se dessine, dominée par les puissances fascistes. La France doit y trouver sa place et donc adapter ses institutions au cours implacable de l'histoire. Seul un régime autoritaire, traditionnel, convient à cette politique neuve, dictée par les circonstances. Le syllogisme de Laval repose sur la certitude de la victoire allemande, comme celui du général s'appuie sur la certitude d'une victoire anglo-saxonne. Les yeux qui traînent au balcon des ambitieux se mêlent.